吗？Face blanche. Un truc. C'est bien. Attends, moyen. Ouais, c'est pas terrible. Nul, à chier. Je vais faire ça. Je vais faire ça, mec. Il est bon le bassiste. Good bass. Thank you. cherche une autre batterie. C'est normal. Écoute.